106.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, programme du CSPCL, tous les troisièmes lundis du mois. On est avec Félix aujourd'hui, qui donc va nous présenter le travail qu'il a fait, le petit montage. Tu as rencontré donc plusieurs personnes au Chiapas et là tu as eu envie de faire un montage sur un petit peu l'historique, pas forcément l'historique, mais disons sur l'histoire depuis 1994 des apatistes avec des gens qui étaient déjà impliqués, qui étaient plutôt déjà enfants pour certains, d'autres qui sont plutôt des universitaires, un autre qui est un personnage d'église qui a donc été proche des communautés. Et donc, tu avais envie justement de pouvoir de faire ce montage-là pour un petit peu rendre les choses lisibles. Et pour nous qui sommes effectivement parfois toujours un peu dans le contemporain du processus, c'est toujours bien de revenir à cette histoire longue déjà. Comme tu l'as dit, c'est ça. J'ai eu la chance d'aller au Chiapas là, en avril. J'ai pu enregistrer une série d'interviews avec différents acteurs venus de différents mondes. Et pour commencer ça, j'avais trouvé que c'était important de resituer les apatistes dans son contexte, dans son histoire, dans sa construction, comment ils sont formés. Et du coup, j'ai utilisé l'interview de trois personnes que j'ai pu avoir là-bas. Donc, il y a d'abord Marina, qui travaille au CIPAS, qui, elle, a une approche, entre guillemets, militante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours été présente au moment des faits, mais elle a pu... elle raconte ce qu'on sait de l'histoire des apatistes, ce que le mouvement, le réseau militant sait. J'ai aussi une interview du père Miguel, qui est un Français d'origine et qui est arrivé en 1953 au Chiapas, et qui lui a été aux côtés des Indiens, pas forcément dans une région purement apatiste, mais dans une région et dans un mouvement qu'on va dire frère des apatistes. Il était dans la région des Aberas, qui connaît un contexte assez semblable des apatistes, mais qui n'ont pas eu forcément la même expérience. Et lui, il raconte ce qu'il a vécu, la répression qu'il a subie, etc. Et le troisième personnage de ce petit montage, c'est Alexandra, qui est une jeune femme qui est une enfant de zapatistes, qui avait 9 ans en 1994 au moment de l'insurrection, qui habitait San Andrés, donc un endroit assez central. Puisque c'était là qu'il y a eu les accords de San Andrés. Comme on va pouvoir le voir. Et du coup, qui, elle, raconte les événements de son point de vue d'enfant, de ce qu'ont pu vivre les familles, les enfants de l'époque, pendant que les papas étaient partis dans les villes. Eux, ils ont eu un itinéraire assez particulier pendant cette guerre, et donc elle raconte ça. Donc voilà, c'est à partir de ces trois interviews que j'ai fait ce petit montage qui présente, j'espère, la façon la plus ludique possible, le mouvement et l'histoire du zapatisme. Merci beaucoup à toi. On va écouter. On va écouter. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Je m'appelle Marina Pagès, Et ça fait un petit peu plus de 15 ans que je suis au Chiapas et je travaille pour le CIPAS. Je suis le père Michel Santo, originaire de Normandie, à Alençon. Je suis arrivé à Chenalo le 28 juin 1965. Pour moi, c'était le coup de foudre. J'ai dit, bon, tu vois où tu veux, amour, amour à première vista. Ça va faire 48 ans cette année. Ah, mes nacimientos fueron. Je suis née à San Andrés, près de San Cristóbal, à une heure de Cristóbal. Como a una hora de camino. Los tiranos. C'est pas un mouvement de génération spontanée. Il y en a beaucoup qui ont utilisé l'image en fait des plaques tectoniques qui reprennent en fait les dates du début de la colonisation du Mexique et l'exclusion des populations indiennes qui a dérivé en fait de la colonisation dans ce pays, avec des situations qui, jusque dans les années 70 au Chiapas, prenaient des formes d'esclavage. Bon, je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait un racisme très fort de la part des métis. Le samedi, quand les Indiens venaient au marché assis sur le sol avec leurs produits, les métis, c'est toujours s'ils ne leur arrachaient pas des mains, ils leur payaient ce qu'ils voulaient, quoi. C'est comme si on jetait un os à un chien. La première fois que j'ai célébré la messe en Sotzil, les métis sont sortis de l'église. Je leur ai dit, si dans la maison de Dieu on n'est pas tous frères, vous n'avez rien à foutre ici. Et si j'avais le malheur de parler nos frères, les Indiens, ils me disaient, attention, c'est peut-être les vôtres, c'est pas les nôtres. En particulier, quand l'évêque Don Samuel Ruiz est arrivé ici, il a trouvé une situation particulièrement dramatique pour les peuples indiens qui travaillaient en fait dans des grandes propriétés terriennes qu'on appelle les fincas, et qui appartenaient encore en fait à des personnes métisses ou plus blanches en tous les cas de peau, avec droit de cuissage par exemple, donc le droit à la première relation sexuelle pour les jeunes filles indiennes, exploitation totale et l'obligation en fait d'acheter tout type de produits dans le magasin des grands propriétaires terriens, et très rarement en fait une parcelle propre pour chacun d'entre eux. Bueno, la vida en San Andrés es cuando estaba niña. Alors, quand j'étais enfant, je vivais à San Andrés, près d'une municipalité. Il y avait beaucoup de partage avec les voisins, avec les gens. En tous les cas, son voisin, on vit tous ensemble dans la même maison, avec le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes, et puis tous les enfants. Parfois, il faut compter entre 8 et 9. Le quotidien, quand j'étais enfant, on allait jouer avec les voisins. Et puis on jouait avec ce qu'il y avait, on jouait avec la terre, on faisait des châteaux de sable, on jouait à cache-cache. Alors quand tu es petit, en général tu travailles, à 5h30 tu te lèves pour faire un peu tout ce qui est nécessaire pour la maison, c'est-à-dire nettoyer, commencer à faire les tortillas, etc. Après, tu petit-déjeunes et ensuite seulement tu vas à l'école. Après, généralement, ils te laissent un peu de temps en dehors de tout ce travail-là pour pouvoir jouer avec tes frères et sœurs ou tes voisins. En vacances, pareil, on doit se lever tôt pour aller aider notre papa. Pour aider notre papa au champ, on l'aide à nettoyer son champ de maïs. Ses champs de maïs et ses frijoles, c'est-à-dire ses haricots. le système indien de gouvernement, c'est l'ayuntamiento, non? Et alors c'est composé par le maire, qui était là en place pour 3 ans avec le syndicat, et les autres membres du conseil municipal étaient élus pour 1 an. Et en 33 ans, je n'ai vu que 2 fois un paysan maître d'école, maire à Chenalo, c'est toujours des maîtres d'école. Alors, on devient maître d'école à Chenalo en achetant sa place. Alors, je connaissais celui qui vendait les places, dont Willow, Wilfrido Aguilar. Il avait même des certificats signés en blanc. Et alors, si un gars voulait le maître d'école, il venait le trouver. Puis, enfin, je ne sais pas combien coûtait la place. Il y avait aussi des maîtresses d'école qui, bien plus souvent, ont payé en nature qu'en argent. Daban las clases en español, pero eso no significaba que tú sepas hablar en español, ¿no? Mm. Que vas conociendo la gramática castellana, pero no es lo mismo, porque en todos los compañeros hablábamos tzotzil. C'est pas parce que les cours sont en espagnol qu'on arrivait à les comprendre. Tu ne comprends pas ce que les professeurs te disent, tu ne parles pas cette langue. Il arrive très souvent qu'en CM2, CM1, CM2, voire en 6e, tu ne parles toujours pas cette langue. Tu arrives à le comprendre, mais tu ne le parles pas. Et quand on essaye de parler la langue, on essaye de dire un mot en espagnol, mais les professeurs se moquent de toi, alors tu perds encore plus confiance. Mais les professeurs, les maîtres, ils n'aiment pas ça quand tu fais des choses interdites. Ils sont très violents. Parfois, ils te tirent l'oreille, parfois, ils te tirent les cheveux pour te punir. Et c'est pareil si tu ne connais pas tes tables de multiplication ou tes soustractions ou tes additions, ils te tapent sur les mains. De multiplicar o división o te salió mal algún ejercicio que tú haces, te golpean, ¿no?, por la mano, ¿no? Alors le problème d'éducation, c'est que tous les vendredis, les maîtres d'école venaient à Saint-Cristobal sous prétexte de toucher leur paye, et celui qui avait vendu les places, bien sûr, les attendait à la sortie de la banque. Ils revenaient des fois seulement le mardi. Ils étaient des fois complètement sous. Alors, il n'y avait que la classe mercredi, 2 jours ou 3 jours par semaine. C'est tout. En principe, c'était une école bilingue. Bon, et bien des maîtres d'école, à peine s'ils savaient lire et écrire. Hein. Donc, on m'avait dit à maître d'école, si on leur enseigne, ils vont prendre notre place. Mais dans le cas du Chiapas, en fait, notre facteur qui va jouer un rôle très important est l'Église catholique. Qui va permettre aux gens, l'expression qu'ils utilisent en espagnol, c'est ouvrir les yeux, prendre conscience qu'ils ont des droits. Le grand travail de Savoie, il a été évêque ici pendant 40 ans. Alors c'est pareil, quand il est arrivé, il avait 35 ans. Hein, le plus jeune évêque du Mexique, peut-être même d'Amérique latine. Et il venait avec des idées très simples, comme moi, au début, les Indiens, on va leur donner des vêtements, on va leur donner des chaussures, on va leur donner à manger, et puis essayer de leur apprendre l'espagnol. Puis ils se sont rendus compte, mais c'était pas du tout ça. Hein. C'est pas question de leur apprendre l'espagnol, c'est nous qui devions apprendre la langue. Dans ce cas-là, ce qui a été très important, c'était le congrès indigène de 1974, où pour la première fois, les Indiens, Tzotzil, Tzeltal, Torolavachol, se sont retrouvés ensemble à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Fray Bartolomé de Las Casas. En fait, c'est le gouverneur qui avait eu l'idée d'organiser un congrès, mais pour lui, c'était quelque chose de folklorique, en pensant que les Indiens viendraient avec leur musique, leur danse, monsieur le gouverneur. Mais non, c'est eux qui ont choisi les thèmes, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la terre, le commerce. Et le premier jour, quand le gouverneur est venu, l'inauguration, tous les exposés ont été en langue indienne. Le gouverneur a dit, mais ils ne parlent pas espagnol. Mais ils parlent leur langue. Hein? On a des traducteurs pour vous, monsieur le gouverneur. Il n'a jamais remis les pieds au Congrès. C'est-à-dire, étant donné que les Indiens n'acceptaient plus tous les programmes simplement du gouvernement, hein, mais bien ils réclamaient, eux, ce qu'ils avaient besoin, non pas ce que le gouvernement leur offrait comme de l'aumône. Hein. Et pour cela, ils s'organisaient. Hein. Tout ça parce que, bien sûr, on leur a fait comprendre que eux étaient des hommes comme tout le monde, qu'ils avaient le droit d'exiger ce qui leur était nécessaire et non pas d'attendre du gouvernement des miettes, le paternalisme qui les maintenait toujours comme des êtres inférieurs. Le ZLN, je l'ai mentionné, donc, est créé en 1983 avec une tradition en fait de lutte que l'on voit dans plusieurs pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud et tout l'apprentissage en fait de la guerre civile au Guatemala où le sujet du changement ne va pas être l'ouvrier ou la classe prolétarienne, mais les populations exclues qui dans ces pays sont majoritairement en fait indiennes ou paysannes. Et donc face à cela, l'armée zapatiste vient créer un mouvement dans une zone de forte présence indienne, dans ce qui correspond à la zone du diocèse de San Cristobal, c'est 90% de la population qui est indienne, pensant trouver ici un écho en fait à leur demande, et en naissant plutôt sous la tradition un petit peu du Che Guevara, la stratégie du foco, on appelle ça en espagnol, donc, ou pour les personnes qui ont une formation peut-être plus chrétienne, la levure dans la pâte, donc un petit groupe qui peut permettre de grands changements. Et donc à partir de 83, dans ce contact avec les peuples indiens, ils vont inverser leur structure de fonctionnement. Normalement, un mouvement armé est une structure militaire, un petit peu comme un triangle hiérarchique. Et ils disent qu'en fait, ils vont complètement se transformer la structure pour faire en sorte que ce soit les communautés indiennes qui finissent par prendre les décisions. Et ça, c'est complètement atypique en soi. La décision du soulèvement armé pour 1994 va faire l'objet de consultations dans les communautés pendant plus d'un an et demi, en 92 et en 93. Et donc, ils bénéficient d'entrée de jeu d'un soutien énorme de leur base de soutien, comme ils les appellent encore. Et peut-être un dernier facteur qu'il faut souligner, c'est le fait que le Mexique, depuis les années 80, fait le choix d'un modèle économique néolibéral qui va exclure encore davantage les populations indiennes qui vivent, grosso modo, pratiquement toutes d'activités agricoles. Donc il y a la crise du prix du café en 89, c'est la seule source de revenus pour les communautés indiennes. Il y a 1992, une réforme en fait, de la constitution mexicaine qui réduit leurs droits à agraire, en particulier la propriété communale des terres, ce qui est une des revendications principales des peuples indiens. Et le 1er janvier 1994, date du soulèvement armé, coïncidait avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. 106.3. L'ALENA, ce qui pour eux était presque. C'est quoi cette plaisanterie? Nous sommes loin de faire partie du premier monde. Nous vivons dans une situation d'exclusion qui est révolue depuis des décennies dans différents pays. 106.3, fréquence Paris Pluriel. Vous écoutez toujours La Jungle des Luttes, programme du CSPCL, tous les troisièmes lundis, en direct, 19h, 20h30. La création de l'armée zapatiste de libération nationale qui va aussi permettre aux populations indiennes locales de chercher à s'organiser. Ils ont cherché pendant de nombreuses années, 70, 80, 90, à faire entendre leur voix de manière légale, mais en fait n'obtenant dans le meilleur des cas aucune réponse et dans d'autres cas une répression frontale à leurs revendications, ce qui aboutit en 94 en fait au soulèvement armé des zapatistes. Bueno, nosotros en el 94 ya sabíamos qué es lo que estaba pasando. Los papás ya nos comunicaban. La guerra. Ya sabíamos. Alors nous en 1994, nous savions ce qui était en train de se passer. Tenemos que ir lejos. Les parents nous donnaient l'information. Nous savions ce que nous devions faire. Entonces, et comment nous devions nous préparer. Nous savions que nous devions. Que nous devions aller loin, que nous devions prendre de la nourriture, des vêtements, etc. etc. Un imperméable, on savait tout, chaque enfant, chaque fille devait apporter des tostadas. Pues todo, un par de des sortes de tortillas sèches, una vez que un imperméable, une lampe de poche, lado, no, de donde vayamos, et pas mal de vêtements, car une fois que nous partions, que nous devions nous perdre, il fallait que nous ayons de quoi survivre. Que venía la gente a tomar las, quand nous savions que les gens, les militaires, venaient pour prendre les grandes municipalités au Chiapas, nous changeons directement de communauté. Y bueno, las du coup, les familles étaient prêtes. Todos, no? Les hommes qui étaient forts quienes estaban, o sea, venaient dans les différentes fuertes, communautés, no? Mais les gens un peu plus grands, un peu plus vieux, no? Les femmes et les enfants, nous, nous restions à Saint Andreas. Gente grande, après, mujeres, nous sommes allés un peu plus près de Saint Andreas pour nous cacher. Et donc, tous les jeunes qui étaient là-bas, les jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans, les femmes qui voulaient rentrer dans l'organisation, y bueno, todos los jóvenes comme musiciens, comme insurgés, avaient justement cette possibilité d'entrer. 20-25 años, hombres, il fallait s'entraîner, il fallait savoir si tu étais apte pour être milicien, estaba como la pour être insurgé. Te tienen que hacer como cierto tipo de entrenamientos para ver si eres apto en entrar, en ser miliciano, miliciana, ¿no? Y todo. Y entonces, en 94, nous nous sommes réfugiés dans une maison. Nos refugiamos en una casa. Dans chaque maison, il y avait cinq familles et nous étions au courant y estábamos al pendiente de ce qui était en train de se passer. Sabíamos, ils nous envoyaient des informations régulières pour nous dire ce qui s'était bien passé, ce qui s'était mal passé. Nos pudimos regresar a San Andrés, a la nous avons pu rentrer dans la municipalité de San Andreas, mais au bout de quelques jours, les militaires sont arrivés. Quand ils sont arrivés, je me souviens, je me souviens que quand on voulait sortir de San Andreas, c'était le moment de la récolte du café. Nous avons donc traversé la rue principale de San Andreas et les soldats avaient leurs fusils. De San Andrés, ils avaient leurs fusils en joue. Alors que toi tu marchais, moi j'avais 9 ans. Yo tenía como 9 años. Alors quand tu vois des soldats habillés comme ça avec leur uniforme, soldados vestidos así, ¿no? De su, ça te fait peur et puis traje, ça donne la haine aussi. Como coraje, tu gardes l'image de ça. Miedo, ¿no? Porque recuerdas como beaucoup de choses se sont passées. Nous étions dans une communauté pendant un mois. Pues, muchas cosas se pasó, ¿no? Il y avait seulement une maison de 5 mètres sur 8. En una comunidad un mes. donde solo hay un espacio de et nous étions de una casa de 5 por 8 de medidas. 500 personnes y estábamos como 200 personas o más. On pouvait que boire une sorte de pozol, tomaba maíz mélangé avec de l'eau. Pozol, et les enfants tombaient tous malades. Ceux qui étaient un peu plus grands ou les plus vieux pouvaient s'allonger. Los que estaban mais les enfants grandes, entre niños, podían acostarse, 4 ans et 15 ans ne pouvaient pas s'allonger. 9, 15 años, no puedes il restait debout ou assis. Estar sentada et il fallait dormir comme ça. Et il y a eu beaucoup de problèmes de santé. Se muchos problemas de salud parce que les toilettes, avec autant de personnes, étaient insalubres. Y cerca de la et les toilettes étaient juste à côté de la maison pour 200 personnes. Au total, il y a eu quand même 30 enfants qui sont morts la estancia por un mes. Durant le mois où nous avons vécu là-bas. Et posteriormente nos dijeron, après, ils nous ont dit que les militaires étaient en train de se rapprocher de la communauté. Il fallait absolument changer de maison. Nous sommes donc allés dans une autre communauté qui était beaucoup, beaucoup plus loin. Mais nous avons dû marcher quelque chose comme 5 heures. 5 heures de camino. Estás con sed. 5 heures de route. Nous avions très soif. Nous avions très faim. Los niños íbamos, alors nous nous traînions des feuilles de bananiers pour effacer les traces que nous laissions. Alors, le soulèvement armé zapatiste, c'est une surprise pour une grande partie de la population mexicaine et mondiale qui fait la une des journaux. Peut-être aussi parce que c'était un 1er janvier, je crois, l'effet surprise devait être accru il y a très longtemps. Et en fait, donc, c'est une présence de différents bataillons dans différentes villes du Chiapas qui occupe ces villes. C'est ce jour-là apparaît la première déclaration de la forêt La Candone où ils expliquent en fait les causes structurelles qui ont donné lieu au soulèvement armé en soi et ce qui attire sans doute l'attention et aussi la sympathie d'une grande partie de la population mexicaine et mondiale, c'est la légitimité de ces demandes. C'est des demandes de base qu'on peut concevoir comme des droits humains acceptés à l'échelle internationale depuis très longtemps dans différents pays, le droit à la terre, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à la démocratie. Et au bout de 3 mois, nous avons pu retourner à San Andreas. Pero estaban todavía los militares. Mais les soldats étaient toujours là. Dejamos nuestra casa, nuestros. Si on a laissé notre maison, si on a laissé nos poules, enfin ce qu'on avait à l'époque. Et ils nous ont tout volé. Y porque nos habló pocos muchos eran muy pocos en ese entonces, ¿no? Pero entraron a las casas y se lo llevaron. Pero car les familles priestes qui étaient très peu nombreuses à l'époque entraient dans les maisons et prenaient ce qu'elles voulaient. De la noche o dos de la mañana. Les hommes passaient durant la nuit vers 2 heures du matin. Ils prenaient avec eux les poulets qui étaient morts et ils prenaient la nourriture qu'il y avait. Une fois que nous sommes revenus à San Andrés, comme nous avions déjà arrêté l'école, on ne pouvait plus l'intégrer de nouveau. Les maîtres disaient que nous ne pouvions plus rentrer en cours d'année. Si vous n'avez pas été là pendant un mois, vous ne pouvez plus recommencer l'école. Et la conséquence la plus importante de toutes, de ce qui s'est passé depuis 1994, c'est que tous les voisins, tous les enfants, tous les amis priistes que tu rencontrais à San Andrés disaient que nous étions des Irakiens parce que les Irakiens ont toujours été en guerre. Il nous disait, vous voulez toujours la guerre, vous ne voulez pas la paix. Une surprise, autre chose qui attire l'attention, ça va être uniquement 12 jours de guerre, donc c'est relativement court, face à la pression en fait, de la société civile mexicaine, principalement, de rechercher une solution négociée, à nouveau face à la légitimité des demandes des peuples indiens, et le gouvernement fédéral va céder, ce qui est assez atypique pour 1994, quand dans l'ensemble tous les soulèvements indiens en Amérique centrale ou en Amérique latine avaient donné lieu à des répressions frontales et sanguinaires des différents processus. Et donc 14 jours après, on ne sait toujours pas en fait combien de personnes sont mortes lors de ces agressions. On parle parfois de 1000 jusqu'à 4000. Les zapatistes ont publié postérieurement les listes des personnes qui sont mortes lors du soulèvement armé de la part de l'armée mexicaine. On ne connaît pas les chiffres exacts. Les zapatistes, donc, après avoir occupé les chefs-lieux de différentes municipalités et les mairies en particulier, se retirent. À plusieurs endroits, il y a effectivement des morts. Et va débuter très rapidement en fait un premier processus de dialogue en 1994 dans la cathédrale de San Cristobal et avec la médiation de Don Samuel Ruiz, dont j'avais parlé auparavant, l'évêque rouge, comme on l'appelait, beaucoup du Chiapas. Ces négociations n'aboutiront pas. L'année 94 est particulièrement intéressante ensuite pour faire un parallélisme avec l'époque où nous nous trouvons à l'heure actuelle, parce qu'il y a déjà en fait tous les éléments qui constituent la stratégie actuelle de l'ELN 94-95. Il y a le début en fait de manière publique de l'effort de construction des autonomies. En décembre 94, ils vont occuper 38 chef-lieu de municipalité, et il est déclaré municipalité autonome, rebelle zapatiste, donc c'est 94, hein, c'est pas 2003. il y a le début de la préparation, un CND, un congrès national démocratique, où vont se regrouper entre 94 et 95 toutes les forces de gauche du Mexique, y compris à cette époque-là le PRD, qui est le principal parti politique de gauche. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup de gauche, avec un temps de doute qui va être présent, et tout type d'organisation sociale. Et il y a aussi le début de la préparation de la rencontre intergalactique contre le néolibéralisme et pour l'humanité. Donc un petit peu cette stratégie, en anglais on appelle ça multitrack, non, à plusieurs niveaux. La partie locale, la construction de l'autonomie, la partie nationale, l'idée de regrouper les forces de gauche, et la partie internationale, c'est très clair pour le zapatisme, que leurs demandes ne trouveront pas leur solution au Chiapas, ni même au Mexique, mais à l'échelle internationale, voire intergalactique. Mais ici c'était très fort, l'organisation était très forte. En 1994, quand nous sommes revenus, que nous avons pu reprendre l'école, teniendo ya los 13 años, la organización empieza a pedir. À 13 ans, l'organisation a commencé à demander à ce que je puisse collaborer avec l'organisation. Y entonces, pues fui Alors moi, pour ma part, j'ai été opératrice de radio, opératrice de communication. Alors nous avions reçu un entraînement physique, une formation physique, pour savoir comment nous devions nous organiser, qu'est-ce qu'il fallait faire avec les mots de passe, avec les papiers, si l'armée venait. Ils t'enseignaient tout, c'était fort. Pendant trois ans, j'ai fait cela. Pues era fuerte, opératrice de radio communication. Entonces, durante tres años, trabajé como operadora de radio. 94, c'est le premier essai. Donc à Saint-Cristobal, et avec une première médiation de Don Samuel Ruiz, la première partie de la négociation, une négociation de guichet. Parle un petit peu comme dans les banques où il y a les verres et les petits trous pour pouvoir s'entendre à peu près, où le gouvernement regarde un petit peu de haut les apatistes, qu'est-ce que vous voulez vous, et n'offre en fait que ce qu'ils offrent en règle générale, des projets ou une attitude complètement assistentialiste. Bref, depuis 94 et à ce jour, ils passent complètement à côté des demandes de fonds du zapatisme qui passent par une plus grande démocratie, où ce n'est pas uniquement le projet, mais la façon comment est conçu le projet, mise en place le projet, et donc une participation politique, pas uniquement des projets d'aide, entre guillemets, avec cette attitude raciste vis-à-vis des peuples indiens, sans prendre en compte ni leur opinion, ni leurs intérêts, ni leurs demandes réelles. Donc ça, c'est pour 94. Fin 94, il y a une crise économique très sérieuse au Mexique. À la bourse, on parlait de l'effet tequila, qui est en partie lié en fait de la part des marchés à cette perception de qu'est-ce qui se passe au Mexique. Ils n'arrivent même pas à contrôler ce qui se passe au fin fond du Chiapas, non, un petit état qui ne représente aucun intérêt économique, ils pensaient à l'époque peut-être encore. Mais face à cette situation, le gouvernement mexicain décide de changer de stratégie. Il convoque apparemment une négociation pour février 95, et au lieu des représentants du gouvernement mexicain, en fait c'est l'armée mexicaine qui rentre dans la forêt Lacandone, détient plusieurs leaders qu'il suppose zapatistes, annonce qui est en réalité le sous-commandant Marcos. Bref, il change complètement de stratégie pour chercher à donner une réponse militaire. Et à nouveau, il y a une forte réponse, non seulement cette fois-ci à échelle nationale, mais aussi à échelle internationale, vu que pendant l'année 94, en fait, le zapatisme a réussi à obtenir des réponses impressionnantes via Internet et différents moyens de communication à échelle internationale. Donc, sous la pression nationale et internationale, le gouvernement fédéral décide à nouveau de revenir à la voie négociée. Il y a une première série de dialogues dans la forêt Lacandone, à San Miguel, où ils définissent une série de thèmes qui devront être traités et qui sont, pour l'époque, le PRI était au pouvoir, ça semblait impossible d'imaginer un autre parti politique au pouvoir, et ils posent des thèmes, le premier dans sa lettre, c'est le seul qui va donner lieu à des accords en février 1995, les accords de San Andrés sur les droits et la culture des peuples indiens. Mais le thème suivant, c'était démocratie, justice, les droits de la femme, le modèle économique. Donc, bref, des thèmes de fond. Les zapatistes organisent un congrès indien et font en sorte que justement ce texte va être reconnu non seulement par les zapatistes, mais par tous les peuples indiens du Mexique. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui leur donne la force. Ce n'est pas à nouveau un accord uniquement pour les peuples indiens ou les amis présents au Chiapas, mais quelque chose qui modifie la donne pour la totalité du pays. Le gouvernement, on se demande encore pourquoi, décide de les signer, mais finalement, on ne les mettra pas en place. 106.3, fréquence Paris Pluriel, vous écoutez La Jungle des Luttes. Programme du CSPCL, tous les troisièmes lundis du mois en direct, 19h, 20h30. de la démocratie, la justice, ça commence à patiner. Ils envoient des représentations qui n'ont pas de capacité pour prendre des décisions. Bref, ils commencent à boycotter un petit peu le processus de dialogue. Et de manière parallèle, ils lancent une stratégie qu'on appelle ici de guerre de basse intensité vis-à-vis des communautés indiennes. Qui fait qu'en fait, bon, c'est un petit peu une stratégie schizophrénique. D'un côté, ils parlent de paix et de l'autre, ils mettent en place une stratégie de guerre de grande envergure au sein du Chiapas pour freiner l'avancée du zapatisme dans différentes zones. Et face à ça, en décembre 1995, le ZLN se retire des tables de négociation en disant bah, donc, et il pose une série de conditions en fait, pour reprendre le dialogue, y compris le respect des accords de San Andrés sur les droits des peuples indiens, qui à ce jour, et en dépit d'une réforme constitutionnelle en 2001, n'a toujours pas vraiment vu le jour ou ne représente qu'une modification dans la réalité. A resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. No, ce qui s'est passé en 1994, les 12 premiers jours de guerre, ce qui s'est passé en février 1995, quand le gouvernement mexicain, et en particulier l'armée, change de position au niveau du Chiapas, c'est une stratégie militaire frontale. Et le gouvernement se rend compte que ça ne fonctionnait pas. Il y a un concept en fait, militaire conçu et testé au Vietnam, qu'on appelle la guerre de basse intensité. C'est quand en fait on se rend compte que justement la force d'une insurrection n'est pas forcément dans sa dimension militaire, mais dans ce soutien populaire à ses demandes. Et face à ça, en fait, la stratégie, on appelle ça enlever l'eau au poisson, non ? Vider l'aquarium. Et donc en fait, si tu ne peux pas tuer directement le poisson, tu lui enlèves l'eau et il finira par mourir pareil. Et donc il y a une série de stratégies qui sont mises en place, et c'est un plan, le plan Chiapas 94, qui a été publié postérieurement, où c'est très clair en fait oui, comment ils voulaient faire ça. En règle générale, dans la stratégie, on situe à peu près quatre grandes dimensions. La première, c'est maintenir une présence militaire un petit peu pour encercler le processus. La partie de la paramilitarisation qui va être très forte dans les années 95 à 97, y compris un petit peu plus jusqu'à 2000 dans certaines zones. Donc c'est identifier les groupes qui vont pouvoir faire le travail sale de l'armée. Puisque l'armée, en fait, comme il y a un processus de dialogue, ne peut plus arrêter des zapatistes ou mener à bien des opérations armées. Ils vont former ces groupes paramilitaires dans différentes zones, en particulier dans les hauts plateaux du Chiapas et dans la zone nord. Paradoxalement, dans la zone nord, ce groupe s'appelait Développement, Paix et Justice, qui enfin donc, vont commencer à mettre en place une stratégie de terreur face aux populations indiennes, avec l'idée, en fait, si tu travailles avec les zapatistes ou tu les aides, voilà ce qui va pouvoir t'arriver, non ? Et il y a eu une multiplication des déplacements forcés, des assassinats, des disparitions forcées. Pour la fin 97, il y avait plus de 20 000 déplacés au Chiapas. Fin mai 97, 50 policiers sont arrivés à Puebla et c'est là qu'a commencé la formation des paramilitaires. Avec André, on avait été au mois d'août à Los Choros. De Los Choros, on voit la chapelle de Puebla. Il y a une vallée très profonde, mais le catéchisme nous dit, mais c'est pas ce qui se passe. Depuis plus d'un mois, toutes les nuits, on entend des pétarades, des tirs, il n'y a pas de mort. Et c'était l'entraînement des paramilitaires. Et un paramilitaire qui s'était repenti, après nous a expliqué comment faisait la police. Il leur offrait de l'argent, de la drogue. Il leur passait des films pornographiques pour les inciter à violer les femmes. Hein, et en leur disant, de toute façon, les villages que vous brûlez, le butin, c'est pour vous. Mmh. Hein. Alors ils ont recruté des Indiens et malheureusement, certains même de la même famille des victimes. Et alors, le 16 septembre, ça a été la première incursion des paramilitaires, justement, à Los Choros, où ils ont brûlé 60 maisons, aussi bien des catéchistes que des gens du Père aîné. Et ça a commencé la première exode des paysans. Et ensuite, ils ont brûlé plus d'une quinzaine de villages, à tel point qu'à la fin, il y avait 10 000 déplacés qui se sont réfugiés justement dans la région de Acteal, à Choyep. Hein. Mais bon, il y avait eu déjà des victimes comme ça, par-ci, par-là, mais on ne pensait jamais qu'il y avait eu un massacre aussi grand que ça. Les gens étaient surpris. Le 22 décembre, on vient de massacrer 45 personnes, 21 femmes, et là, ça. Hein. Puis je dis, mais on tuerait ton chien. Ah, c'est grand. Non, ça c'est une première dimension. Celle qui leur a donné le plus de fruits et de plus grandes conséquences jusqu'à ce jour, c'est l'idée de Machiavel, divisé pour mieux régner. Et donc ils vont utiliser des programmes économiques, les différences religieuses, d'appartenance à différents partis politiques, organisations sociales, pour retirer le soutien dont bénéficient les apatistes. Je disais en 94, en fait, ils avaient le soutien de pratiquement toutes les populations indiennes au sein du Chiapas. Donc, je te donne ce projet et toi, tu te retires du zapatisme, tu me donnes les dons d'eux, etc. Donc, il y a une stratégie de division très très forte qui mine en fait les bases de soutien zapatistes, qui sont des populations pauvres dans l'ensemble et souvent un projet sans aucune valeur économique réelle. Donc c'est un petit peu maintenir avec cette dimension raciste d'arriver avec les petites pierres de couleur et voir si ce que nous donnent les peuples indiens en échange. Mais c'est très triste, mais ça a énormément fonctionné. Et c'est ce qui a le plus marché, en fait, ou qui a le plus de conséquences à ce jour. J'avais une sœur qui ne faisait pas partie de l'organisation. Elle était priiste. La relation familiale a beaucoup changé. Car ils sont tellement traditionalistes. Qu'ils disent je suis priiste. Et ça n'importe pas les choses qu'ils sont en train de faire avec leur parti. Ça ne les intéresse pas. Ils ne nous parlaient plus, ils ne communiquaient plus avec nous. Ils étaient très énervés contre nous. Le reste de mes sœurs, Si, nous étions toujours ensemble, elle faisait partie de l'organisation. Mes frères faisaient partie de l'organisation aussi, de l'organisation de sécurité, on va dire. C'était des miliciens, c'était des insurgés clandestins. Très cool qu'ils sont sortis de l'organisation ce temps-là. Au début, il y avait beaucoup de personnes qui rentraient et qui croyaient fortement au projet zapatiste. C'était vraiment très fort. Après les années 2000, beaucoup de personnes ont commencé à sortir. Ils ont commencé à sortir de l'organisation parce qu'ils étaient démotivés après autant d'efforts, alors qu'ils ne voyaient pas encore les résultats tangibles. C'est un travail très fort qui est demandé et tu ne sais pas dans combien d'années tu vas pouvoir voir les résultats. Et quand ils ont commencé à voir que d'autres familles qui n'étaient pas du mouvement ont commencé à recevoir des aides du gouvernement, en Puerto Unidad de Campo, Alors ils ont commencé à se dire, mais nous on est en lutte, et nous on ne peut pas recevoir ces aides gouvernementales. Le gouvernement ne demande rien en échange, et l'intervention du gouvernement par le biais d'aides sociales ou de choses du même type a beaucoup participé à la division de l'organisation. Il y a des familles qui sont encore dans l'organisation. Elles sont beaucoup moins nombreuses, mais elles sont vraiment très fortes. Et il y a beaucoup de familles prises qui sont parties vers, qui est un mouvement très fort. Et le gouvernement s'intéresse beaucoup à ça parce que ceux qui sont battus, parce que ceux qui sont du Parti Verde, du Parti Vert, sont des ex-zapatistes. Ils connaissent bien l'organisation, ils connaissent bien le mouvement. Jusqu'à l'an 2000, le Chiapas était un thème d'agenda politique incontournable. Vu la force qu'avait acquis le mouvement et le fait qu'en fait beaucoup de thèmes de cet agenda se sont définis à la fin des années 90 au Chiapas et non pas à Mexico. En décembre 2000, le PRI perd le pouvoir au Mexique, dans le cas du Chiapas à échelle fédérale et également à échelle étatique. Et donc ça ouvre une étape en fait où le ZLN va essayer de tester en fait s'il y a encore une solution par la voie négociée en proposant trois conditions pour prendre le dialogue. Et effectivement, début 2001, on voit fin 2000 et début 2001, les gouvernements à ces deux niveaux vont donner des réponses aux demandes zapatistes. Le premier acte de gouvernement de Vicente Fox, gouvernement du PAN, ça va être de présenter des accords de San Andrés auprès du Congrès. Je voulais parler de cette date de 2001 parce que c'est justement quelque chose qui permet de mieux comprendre la stratégie zapatiste jusqu'à ce jour, puisque en 2001, en fait, le Congrès mexicain va approuver une loi sur les droits et la culture indienne qui reste très très en deçà des accords de San Andrés. Le mouvement zapatiste et le Congrès national indien, qui regroupe en fait la plupart des populations autochtones du Mexique, la considère une trahison, littéralement. Et c'est donc quelque chose qui a marqué une rupture des zapatistes vis-à-vis de la politique institutionnelle, pour le dire d'une certaine façon, la politique partidiste. Et c'est souvent très difficile pour des mentalités européennes où la démocratie si est représentative et indirecte, de ne pas concevoir qu'en fait ils continuent à lutter pour faire en sorte que le gouvernement change. Et en fait, eux n'attendent plus, à partir de ce moment-là, un changement de la part du gouvernement. Et c'est vrai que c'est une tendance après un petit peu internationale, non ? En ce moment, la droite, la gauche, est-ce que c'est pas un petit peu pareil ? Et donc en fait, face à ça, eux vont lancer une stratégie complètement différente de résistance antisystémique, on peut la caractériser ainsi, qui ne passe pas par la prise de pouvoir, mais par la construction de face, de force depuis le bas, ils appellent ça, non ? Bon, je crois que la première chose à souligner, c'est que ce n'est pas une idée exclusive des zapatistes, mais qui, dans différents contextes où il y a présence des peuples indiens, cette idée d'autonomie est presque toujours présente, avec une forme d'organisation beaucoup plus horizontale, de démocratie directe, on appelle souvent ça, où les décisions se prennent par consensus et en assemblée. Je parlais en 1994 aussi comment ils ont déjà formé des municipalités autonomes rebelles zapatistes qui vont fonctionner de manière clandestine avec une série d'agressions contre elles en 1998. À partir de 2001, donc la loi, on n'entend plus trop parler des zapatistes puisqu'en fait ils ont une stratégie de communication qui passe beaucoup par le silence, ce qui est très difficile à comprendre pour d'autres personnes. Mais non, dans ce moment de silence qui est un rejet en fait de la prise de décision du gouvernement et qui va être un moment de construction de tout ce processus d'autonomie. Et en 2003, ils rendent public un changement de structure de l'EZLN en marquant très clairement tout d'abord deux dimensions. D'un côté, la partie EZLN, qui est la partie armée, et de l'autre, la partie civile. Finalement, au Chiapas, il y a deux États qui fonctionnent en même temps. Puisque les zapatistes, c'est quoi la fonction d'un État ? C'est exactement ça. Donc, c'est la partie de la sécurité, ils ont l'armée, c'est la partie, les projets, éducation, santé, participation des femmes, justice, économie, la partie d'entrer en liaison avec d'autres. Donc, il y a une espèce d'État au sein de l'État qui fonctionne de manière totalement parallèle. Parce que les zapatistes ont fait un choix très radical depuis 2001 de résistance qui implique n'accepter aucun projet de la part du gouvernement. Et on pouvait se dire, en fait, oh, ben, les pauvres, c'est déjà compliqué, ils seront sans doute encore plus pauvres que la population tchapanèque locale. Et en fait, il y a de plus en plus d'études, y compris de centres qui n'ont rien à voir avec le zapatisme, où on voit que la situation dans les territoires zapatistes s'est améliorée en comparaison avec les zones qui reçoivent le soutien de la part du gouvernement. Parce qu'en fait, il y a une approche de proximité. Hein, donc les centres de santé, il va y en avoir dans les communautés, un autre niveau à l'échelle de la municipalité, et y compris une clinique au niveau du Caracol, qui est beaucoup moins loin que la plupart des villes. Quelqu'un qui va pouvoir le faire dans la langue qui correspond, en respectant en particulier pour la partie santé féminine, disons, on va appeler ça comme ça. 106.3, Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez toujours La Jungle des Luttes, programme du CSPCL, tous les troisièmes lundis du mois, 19h-20h30 en direct, et vous écoutez un petit montage fait par Félix. On est sur l'histoire du zapatisme. Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmiti Breton, transmiti Sos, Greenpeace, New Wyoming, Gretunevas, Sumatamusto, Business, Business, Miwatamusta, Kisne Pranas. Transmiti Breton, transmiti Sos, Greenpeace, New Wyoming, Gretunevas, Sumatamusto, Business, Business, Miwatamusto. C'est-à-dire, les communautés peuvent être divisées, donc tous les zapatistes. Les zapatistes dans une communauté ne représentent pas la totalité. Il y a très peu, sauf los nuevos poblados, ils appellent, donc c'est dans les terres récupérées, ils ont construit leur nouveau village. Donc ça, c'est les seuls peuples qui vont être entièrement zapatistes. Dans d'autres zones, ça va être une partie de la population. Les communautés appartiennent elles-mêmes à une municipalité autonome, et différentes municipalités vont s'intégrer dans ce qu'on pourrait considérer des régions autonomes, les Caracoles. Il y en a 5 à l'heure actuelle qui correspondent à des zones géographiques aussi différenciées en termes de relief, disons. Donc les Caracoles sont des espèces de régions autonomes. Que ce soit à l'échelle de la municipalité autonome ou du Caracol, ce sont directement des personnes depuis les communautés qui sont nommées pour assumer des cargos, ils appellent ça, donc des postes de responsabilité, mais qui sont comme un devoir. Ils ont des cliniques au sein des Caracoles. Et c'est aussi un point de rencontre, et de rencontre y compris avec des personnes extérieures à l'EZLN. Ce sont eux aussi qui vont recevoir journalistes, délégations, personnes intéressées par, ou qui vont, à un moment donné, beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, il y avait beaucoup de donations en fait, face aux zapatistes. Donc, c'était un petit peu l'idée de répartir entre les régions, parce qu'il y a un Caracol qui est très près des villes, disons, et il y en a un autre, il faut 7 heures pour y aller. Donc, un petit peu la coordination interrégionale au sein de l'EZLN. Donc, c'est une structure très complète, du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas, au niveau de la prise de décision. Et je crois qu'il y a deux caractéristiques de cette structure qui sont le plus surprenantes. D'un côté, c'est une structure rotative. À un point que pour une mentalité européenne, ça a l'air complètement dysfonctionnel. Non ? Même l'Union soviétique à l'époque semble que ça moins bureaucratique. Mais donc, selon les Caracoles, il y a une durée. Non ? Donc, on peut être là pour un mois, repartir. Il y a une autre junta de buen gobierno, un comité de bon gouvernement qui apparaît, et ainsi de suite. Et donc c'est une école de pouvoir, parce qu'en fait il y a des personnes qui n'ont jamais assumé normalement un poste de pouvoir, qui vont être là, qui vont être obligées de prendre des décisions, de les progrès, parce que ça se voit énormément en espagnol, en particulier pour les femmes. Tu as souvent en fait un cas à la colle, tu vas voir la première fois, personne ne comprend rien. Et quelques mois plus tard, c'est elle qui va prendre la parole et coordonner la totalité de la réunion. Donc cet aspect rotation semble dysfonctionnel, mais à l'avantage d'être une école de pouvoir, de participation directe des populations, et évite la corruption, qui est un problème chronique au Mexique dans la structure officielle, disons, de gouvernement. Cette partie-là est nouvelle et très intéressante. Comment vous fonctionnez là ? Vous penserez à un moment donné ? L'autre aspect qu'ils avaient annoncé, c'était que ça allait être une structure pour les apatistes, pour les non-apatistes, et y compris pour les anti-apatistes. Et nous, ça nous semblait... Bon, on avait nos doutes, disons. Mais c'est clair que ça marche, en particulier pour les conflits agraires. Surtout au début, on voyait par exemple des factures des gouvernements municipaux officiels pour envoyer des groupes dans les comités de bon gouvernement pour résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, un des gros avantages, quelle que soit la dimension dont on parle, c'est des personnes qui vont parler la langue, des personnes affectées, des personnes qui comprennent la culture, des personnes affectées, et des personnes qui ont une vision de la justice qui ne passe pas par la punition, mais par un accord. Donc en fait, la personne contraire aux apatismes, on cherche à reconstruire un équilibre global. Et en ce sens, ils ont pu prendre aussi, dans quelques cas, des décisions contraires aux apatistes. Le conseiller, effectivement, non, c'est pas juste ce que vous êtes en train de faire, donc voilà la décision. Et ça semble à des années-lumière. Et qui plus est, à nouveau, quel que soit, le comité de bon gouvernement ou le système de justice, on ne payait pas. Et le système de justice officiel mexicain, c'est un système à deux vitesses, tu as des sous ou tu n'as pas des sous. Si tu n'as pas les sous, tu finiras par sortir, plus ou moins rapidement, ou les contacts. Si tu n'en as pas, eh ben, c'est dommage pour toi. Non, j'avais parlé auparavant de cette idée de cargos, non ? Qui est celui qui a une responsabilité. Dans toutes les communautés, de manière... bon, ça fait plusieurs siècles que ça fonctionne comme ça. Il y a donc des... où tous les hommes en particulier, de manière, bon, en tous les cas, au sein des apatismes, où il y a une promotion de la participation de la femme, mais dans les populations indiennes, c'est souvent les hommes qui devront assumer un poste soit religieux, soit politique, disons, d'une certaine façon. Et normalement, c'est un poste qu'on a pour une année et ensuite on change. Et on change les postes. Les apatistes reprennent un petit peu ce modèle et le modifient. Un, parce qu'il a une participation significative des femmes. La rotation est beaucoup plus fréquente en fonction de la structure à laquelle ils vont répondre. Pour eux, je pense que ce sera tous des postes politiques, parce que finalement tout est politique. Non, que ce soit santé, que ce soit éducation, que ce soit au sein du comité de bon gouvernement, ce sera toujours un poste politique. Au niveau des promoteurs d'éducation, en fait, souvent on parle de génération. Il y a des promoteurs en fait qui restent promoteurs depuis qu'ils ont été nommés pour la première fois. D'autres qui, à un moment donné, demandent un temps pour pouvoir s'en sortir financièrement, puisqu'il y a aucun en fait de ces postes n'est payé. Souvent, en fait, c'est les gens de l'école qui vont l'aider à cultiver ses milpas, ses champs de maïs, ou éventuellement, enfin, en tous les cas, ce sera toujours en nature. Les promoteurs ont été formés depuis plusieurs années. Donc, ça fait déjà plus d'une décennie que ça fonctionne. Au départ, il y a eu aussi une aide d'organisation. nationale ou internationale. À l'heure actuelle, c'est pratiquement la première génération des promoteurs qui forment les nouvelles générations. Dans la plupart des cas, la formation des promoteurs a lieu souvent dans les caracoles ou les municipalités autonomes, pour voir des thèmes généraux ou des thèmes spécifiques. C'est de vers le bas vers le haut et de vers le haut vers le bas. Par exemple, le thème de l'hygiène. Ils ont beaucoup travaillé dans monter des centres. Et ça fait partie aussi des améliorations dans les territoires zapatistes. Puisqu'en fait, avec une amélioration de l'hygiène, il y a beaucoup de maladies qui sont techniquement soignables. Mais il y a très peu, encore des morts au Mexique. Donc c'est surtout entre eux, celui qui sait un petit peu plus peut partager. Mais beaucoup est sur l'idée de toute façon, il ne s'agit pas d'enseigner, mais de construire ensemble un savoir. C'est dans la plupart des cas des écoles multiniveaux. Il peut y avoir des enfants très petits avec des enfants beaucoup plus grands. Le primaire et le secondaire, en règle générale. Il y a aussi un respect de la réalité, au sens où les vacances n'ont pas lieu quand le gouvernement mexicain l'a décidé, mais quand il faut aller planter le maïs. Donc, quand il faut aller planter le maïs, il n'y a pas école d'attente. Et ça peut changer parce que cette année, la pluie est arrivée tôt, tard, etc. Donc, il y a une flexibilité qui prend en compte la vie des communautés. Est-ce que l'école est obligatoire? Oui et non. Les enfants peuvent sortir de l'école. C'est-à-dire, ils en ont marre, ils peuvent sortir et rentrer. Donc, c'est une idée. De toute façon, c'est totalement un autre modèle de famille qui reste nombreuse dans la plupart des cas. Donc, c'est un petit peu le plus petit qui apprend du plus grand. Mmh. Et il y a un respect de l'autre, disons, du plus petit vers le plus grand, du plus grand vers le plus petit. Et il y a aussi toute une partie de formation politique et idéologique et des valeurs qui expliquent pourquoi leurs parents ont fait ce qu'ils ont fait et les invitent à continuer ce processus. Et il y a une évolution pour prendre en compte de nouveaux thèmes comme le thème de la migration. Qui est une tentation aussi pour les jeunes zapatistes, à un moment donné, non ? Sous la lumière en plein, et dans l'ombre en silence, si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin. Et qu'on y brille à ton étoile. À ton étoile. Spécial. Mais c'est vraiment l'idée, en fait, de... Comme ils sont, toutes ces populations sont en résistance et n'acceptent aucun projet du gouvernement, l'engagement est impressionnant. Pour un Français, c'est renoncer à un droit, non ? La lutte pour les droits acquis. Et donc, comment est-ce que tu refuses ce que de toute façon le gouvernement doit te donner ? Et donc, véritablement, les personnes qui rentrent sont très très claires face à ce choix. Et il y a toute une série de nouvelles générations. La marche surprise du 21 décembre, le changement du calendrier maya, c'était impressionnant la quantité de jeunes qu'il y a. Quoi. Et donc, c'est des personnes. Je veux dire, à l'échelle internationale, on parle toujours la génération X perdue, etc., je sais pas quoi. Donc, c'est des personnes qui ont un choix politique très clair et une perspective très différente. Quoi. Et en fait, parce qu'après, l'idée de l'âge en soi est différente, parce qu'ils vont avoir un premier poste de responsabilité, disons, à partir de 15-16 ans. Souvent, on peut se marier à 18 ans, quoi. Donc, la participation est en soi formation. Donc c'est pas un truc qu'on t'explique, où tu vas pas à l'ENA pour pouvoir assumer un poste et tu vas pas avoir plus de 50 ans pour pouvoir un poste de décision réelle. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde participe pour que ça change. Et tu le dois, et tu le dois à ton étoile. À la joie, et à la beauté des rêves. mélancolie, à l'espoir qui nous tient, à la santé du feu et de la flamme à ton étoile. Ce qui a changé, c'est que vraiment les Indiens ont pris conscience de leurs valeurs et que maintenant ils ne se laissent pas faire. Hein. Actuellement, les Aveyas ne veulent recevoir aucune aide du gouvernement. Hein. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement. Enfin, c'est une partie. Enfin, maintenant, quand même, la plupart des Indiens se font respecter de la part des métis. À ton étoile. Et maintenant, les métis ne seraient pas capables de les traiter comme quand je suis arrivé. À ton étoile. Ouais, bravo. 106.3 Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez toujours La Jungle des Luttes. On est en train de terminer donc cette émission en direct tous les troisièmes lundis du mois. Et donc, vous pouvez évidemment retrouver les programmes de radio en consultant le site cspcl.ouvaton.org où il y a un petit renvoi sur nos émissions de radio. Donc, vous pourrez la réécouter si vous êtes arrivé en cours. Merci beaucoup à Félix pour ce beau montage. Et donc, j'espère que vous avez pu écouter, suivre un petit peu tous ces témoignages, ces beaux témoignages. Et surtout, voilà. Merci à toi, Félix. Merci surtout à Marina du CIPAS, au Père Miguel, qui est encore là-bas au Chiapas depuis 1953, à Juliane. Et Philippe de Espoir Chiapas qui m'ont ouvert beaucoup de portes et Alexandra qui a pu témoigner de ce qu'elle a vécu. Voilà, surtout grâce à eux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous invite donc à, si vous avez envie d'écouter les copains Resistencia de México, on vous invite à venir jeudi, métro Croix de Chavo à Montreuil, au bar L'Escale à 19h30, histoire de se mettre en place tranquillement, sachant qu'après il y a un DJ, donc venez pas trop tard, sinon vous les raterez aussi. Donc on vous invite à venir les écouter, et donc c'est rue de Chanzy, boulevard de Chanzy, au 60, j'ai un trou sur le boulevard ou la rue. En tous les cas, le bar L'Escale, métro Croix de Chavo, jeudi 20. Pour ceux qui ont envie de se mobiliser également sur la question des sans-papiers, il y a une grande manifestation qui se programme justement jeudi 20 juin à 16h devant le parvis de la préfecture de Bobigny. Donc voilà, tous les sans-papiers et tous les gens qui ont envie de se mobiliser, vous êtes invités par la coordination des sans-papiers du 93 à vous mobiliser jeudi 20 à 16h devant le parvis de la préfecture de Bobigny. Et pour ceux qui rateraient Resistencia de México le 20 juin, donc jeudi prochain, et qui éventuellement sont sur le quartier de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Il y a une lutte contre l'aéroport, vous êtes sûrement au courant si vous écoutez FPP. Et donc, la Résistencia de México jouera à la Vacherie le jeudi 28. Il y aura également une intervention donc, de Nacho Ignacio del Valle, qui était une personne qui a donc lutté contre l'aéroport et qui a été emprisonnée, qui aujourd'hui est sortie et fait une tournée avec le groupe Resistencia de México en Europe. Donc le 28 juin, si on ne vous voit pas, le jeudi 20, à la Vacherie à Notre-Dame-des-Landes, donc la lucha sigue. Bonne chance à tous ceux qui, qui se donnent du mal tous les jours pour que les choses changent. Et on avance tous ensemble si possible. Donc on essaye un petit peu de croiser les luttes les uns les autres. Donc merci Greg pour la technique, merci à FPP. Pour ceux qui veulent soutenir FPP, n'oubliez pas que on a besoin de soutien à FPP. Il y a toujours moyen. Et donc on termine en musique. Je vous rappelle aussi que le CSPCL se rencontre en assemblée ouverte tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles dans le 20e à Paris. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve au mois de juillet avec de nouvelles rencontres, la jungle des luttes. Merci à vous. Ciao. Merci Félix. Et c'est la Résistencia de México toujours. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria.